qui détruit l'amour. Oh non. Pourtant où ça fait où moi choisi pour la vie. Pour qui ça y est, moi parti quitter la vie. Par ma image moi. Shit.